Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Demelin et bienvenue à Econophile. Bon, tramway. Faut que j'en parle. J'en parle parce que c'est une question économique quand même, politique importante et parce que, ben ici, on aime ça dire les vraies affaires. Dans le débat lancé avec force depuis l'annonce, on m'a sorti un argument, mais tout un argument, là, vraiment. On m'a dit, tu sais, les bus sont vides, là, personne ne veut ça, le transport en commun, le tramway, là, ceux-là qui veulent un tramway, là, ils pensent rien qu'à eux autres, c'est des égoïstes. Bon, vous vous êtes étouffé probablement comme moi. Reprenez votre souffle, remontez sur votre chaise. OK. Alors, outre l'incroyable stupidité du commentaire, parce que ne serait-ce qu'un bus, hein, ça contient des dizaines de personnes, un tramway encore plus, une voiture, ben, c'est souvent une personne seule. Vous remarquerez, hein, dans le trafic, quand on regarde ça le matin à Québec. Donc, je peine à imaginer un commentaire plus inapproprié. Mais je rappellerai donc d'abord ceci. Hein? Coût pour la société, donc pour tout le monde, pour les modes de transport. Si marché vous coûte 1 $, la société paie 1 sou. Si vous déplacez à vélo coûte 1 $, la société paie 8 sous. Si prendre le bus vous coûte 1 $, la société paie 1,50 $. Si utiliser la voiture vous coûte 1 $, la société paie 9,20 $. Le bus est juste 6 fois moins cher. Et comme on a de l'argent à garrocher par les fenêtres, ben ajoutons ceci. Le ministère des Transports évalue à 3 milliards le coût annuel de la congestion. Qui l'assume? Ben, la société, bien sûr. Coût annuel de la pollution au Canada, c'est 40 milliards. On peut présumer que le Québec ramasse à peu près le quart, donc ce qui veut dire environ 10 milliards. On dit que c'est 4 300 $ par famille. Et une bonne partie de la pollution, ben, ça revient au transport, bien entendu. Pensez aux coûts en santé, pour le traitement des maladies respiratoires, dépollution de l'environnement, etc., etc. Puis si on ajoute un foutu troisième lien à 7-8 milliards, pensez aussi, outre les 7-8 milliards, à l'ajout de routes, d'infrastructures, de l'entretien de ces routes, des infrastructures. Pensez au coût de l'étalement urbain, au coût des infrastructures souterraines pour développer des secteurs en dehors du périmètre urbain, etc., etc., etc., etc. Sans compter que plus il y aura d'offres pour l'auto, hein, trafic induit, plus elle se comblera, ce qui haussera les coûts actuels à tous les niveaux. Et après ça, ben, on va nous gosser pour 3 milliards d'argent disponible. Hein, en passant, c'est de l'argent qui irait ailleurs dans une autre province si la ville disait non. Là. 3 milliards qui vont servir à une large partie de la population chez nous tous les jours, du matin au soir. Dans un projet plus respectueux de l'environnement, capable de faire une vraie différence dans le transport, pas pour des avions qui s'envolent pour l'étranger, pas pour des projets outre-mer, pas pour renflouer un investissement bidon, pas pour enrichir des amis, non, non, non. Pour des femmes, des hommes, des enfants, des aînés de tous âges et de toutes conditions sur le territoire de Québec. Et le tramway, ben, contrairement à l'amphithéâtre, une fois construit, ben, les gens vont venir, hein, comme le dit le célèbre film. Quand le service sera au top, là, bon, ben, il y aura moins de raisons pour prendre son char. Ça, c'est clair. Sérieux, hein? Alors, le commentaire sur le tramway, là, tout ça pour que vous soyez assis, votre derrière en solo dans un char? Ça doit être nous autres, les égoïstes, c'est ça. C'est évident, comme disait l'autre chez qui on oublie des documents secrets. Bienvenue à Econophile. Ciel ouvert. Ah oui, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une logique dans tout ça. Alors, vous voulez nous retrouver sur Internet, les réseaux sociaux, sur le blog On est là. Allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre. Facebook.com/Econophile891. Et puis, pour trouver le blog, deux façons. Il y a le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook. Ben, ou encore, vous allez sur econophile.net et vous y arrivez directement. Econophile.net, c'est pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. Et puis, vous y trouverez aussi la balado qui donne accès aux deux, parfois trois dernières émissions, ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section « Émissions ». Soleil de plomb sur nos fronts brûlants, nos cheveux longs flottant dans le vent, et attention, nous nous envolons comme des cerfs-volants. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins. Ah, Jean-Claude, bonjour. Bonjour, David. Oh, je m'amuse. Jean-Claude, thème inspirant encore cette semaine, qui pourrait paraître complexe, mais on va essayer d'en faire un travail honorable malgré tout. Croissance et stagnation. Oui, on fait peur au monde aujourd'hui. Oui, on oui, parle oui. De stagnation. Oui, ouais, c'est effectivement épeurant. Dans l'économie, en tout cas, souvent, on présente ça comme étant terrible. Oui. Donc, notre objectif sera d'en dire le contraire, finalement, ou à peu près? Ben, en tout cas, au moins de relativiser les choses, là, parce que, oui, il y a peut-être des dangers, en fait, que la croissance ralentisse substantiellement, déjà ralentie d'ailleurs. On essaiera de voir quelles sont les conséquences de tout ça. Effectivement, puis aussi, plus tard, l'émission, vers 13h40, c'est Isabelle Vaillancourt qui nous rend visite pour parler de la valeur économique d'un arbre. Donc, oui, c'était intéressant, rester à l'écoute. Et puis, question de la semaine, Jean-Claude. Ben là, je serais porté à la changer puis dire... Vas-y donc. Qui était le chanteur qui chantait dans ma Camaro, je t'emmènerai sur les chemins d'été? Mais c'était pas ça la véritable question. Ah, OK, donc, c'est ce que tu le sais? Oui, c'est Steve Fizet. Exactement. Mais c'est pour des gens de mon âge, ça. C'est des bons souvenirs. Même si la Camaro n'existe plus, sauf erreur aujourd'hui, ou en tout cas, on n'en voit plus tellement sur les routes. Oui, la question, plus sérieusement, la question, c'est quel est le pays dans le monde, là, parmi les 220 pays qui sont à l'ONU, quel est le pays où l'entrepreneuriat est le plus élevé? Donc, quel est le pays où les gens sont le plus portés à se lancer en affaires? La réponse n'est pas évidente. Donc, réponse en fin d'émission. Jean-Claude, allons-y tout de suite. Maintenant, pour parler d'abord de la croissance, hein, c'est ça, on va faire un petit historique peut-être pour parler de croissance qui est, dans le fond, en fait, la chose qui semble la plus importante dans notre économie depuis quelques décennies. Depuis que peut-être, on pourrait peut-être même dire depuis deux siècles à peu près, là, depuis le début de la révolution industrielle. Mais oui, moi, j'aime bien en tout cas commencer par des chiffres pour un peu donner, mettre la table finalement. Bien, peut-être aussi rappeler que la croissance, quand on parle de croissance dans le discours public, c'est souvent pour parler de la croissance du PIB. C'est le moyen, là, la variable, l'indicateur qu'on retient en général pour dire s'il y a croissance ou non et à quel rythme. Ça date, il faudrait peut-être, premier élément de relativité, c'est que ça date des années 30. Ça. Avant ça, on ne savait pas si on croissait ou décroissait, on se fiait un peu. Donc, l'indicateur du PIB, c'est les années 30. Ça a commencé, ça a été inventé par un économiste, là, Simon Kuznets, qui a inventé ça entre les deux guerres, parce qu'on dit l'économie allait mal, puis on disait, bon, on peut-tu savoir quand est-ce que ça va reprendre? On peut savoir à quel point, puis quand est-ce que ça va reprendre? Mais peut-être aussi plus sérieusement, une étude que j'ai beaucoup aimée, c'est évidemment, ça repose sur des hypothèses assez héroïques. Là. C'était un Britannique, M. Madison, Angus Madison, que lui a sorti, il a fait un exercice absolument extraordinaire d'essayer de voir le taux de croissance du PIB mondial, la croissance mondiale depuis l'aube, pas depuis l'aube d'humanité, mais depuis dans notre ère, depuis l'an zéro. Depuis l'an zéro, donc au cours des deux derniers millénaires, à quel rythme que ça l'a cru? Lui, il a dit au niveau mondial, ça l'a cru jusqu'à 1820, donc pendant 18 siècles, jusqu'à la Révolution industrielle, au rythme de 0,2%, c'est-à-dire 0,2% par année en moyenne. Et alors que depuis 1820, depuis la Révolution industrielle, le monde a cru à 2,20, c'est-à-dire on a multiplié par 10 le rythme de croissance de l'économie. Donc, la normalité, c'est pas le taux de croissance qu'on a depuis deux siècles. La normalité, c'était ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire pendant des millénaires, on croissait presque pas. Même il y a des pays comme l'Europe de l'Ouest, puis là, c'était l'ensemble de la planète, l'Europe de l'Ouest a même régressé dans le premier millénaire. Évidemment, c'est à cause de la chute de l'Empire romain, des invasions barbares. Les pays d'immigration, c'est intéressant. Les pays d'immigration, il a mis ça dans un melting pot. En fait, ça, c'est l'Australie, le Canada, les États-Unis, l'Afrique du Sud, tous les pays où les Européens ont immigré depuis deux siècles. Là, le taux de croissance en 1820 et 1998, c'était 3,68, presque 4 %. C'est de ça qu'on a en nostalgie. Quand Trump dit « Make America great again », il aimerait ça revenir à 3,5, 4 %, les belles années. Mais il faut se rappeler, encore là, que c'est peut-être ça qui est l'exception. C'est pas le 0 % qui est l'exception. L'exception, c'est les taux extraordinaires qu'on a vécu depuis la Révolution industrielle. Et pourtant, c'est vrai, puis la science économique, les politiciens encore plus, ont une fixation sur ça, sur la croissance, sur ces chiffres-là, cette nostalgie-là. On a l'impression que c'est, même dans la normalité, je suis certain qu'ils se sont posés la question, ils disaient 0,2 % ça a-tu de l'allure comme croissance? Ils vont dire, non, c'est épouvantable! Oui, mais c'est parce qu'on est, faut dire qu'on est né là-dedans, là. Ça fait 200 ans que ça existe, donc, puis M. Meade le mentionnait il y a deux semaines, même les économistes n'ont pas rien appris d'autre. Là, quand on étudiait l'économie dans les livres de Paul Samuelson, il y a 30 ou 40 ans, si on parle même de croissance, il n'y a aucun économiste, à mon avis, qui a inventé un modèle d'économie stationnaire. En tout cas, je n'en ai pas entendu parler, s'il y en a qui ont pensé. Peut-être compléter les chiffres un peu. Moi, je pense que l'obsession de la croissance, notamment chez M. Trump en particulier, c'est parce qu'on est un peu un vieux de la Chine puis de l'Inde. J'ai des données là, sur lesquelles j'ai mis la main présentement au cours des 15 dernières années. Il faut dire que c'est quand même remarquable. Depuis l'an 2000, en fait, en 2000 puis 2015, le taux de croissance annuel moyen de la Chine, c'était 9,6 %. Ah. On est pas mal plus fort que le taux millénaire de l'humanité ou même des belles années, des 30 glorieuses d'un pays occidentaux. L'Inde, c'est à 7,1 %, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Le Canada, c'est à 1,9 pendant les mêmes années. Les États-Unis, 1,8. On a même fait mieux que les États-Unis. C'était même assez insultant pour les Américains. Mais tu vois, quand on s'embarrasse pas des droits humains, comment ça va bien? Oui, c'est ça. Ben... Non, mais c'est pour ça qu'il appelle Poutine après pour lui dire bravo. C'est ça. Ben, peut-être pour compléter dans cette idée-là, évidemment, on a encore une fois, je vois bien ma blague habituelle, on n'est pas à la télévision, mais le tableau, il y a peut-être une vingtaine de pays. On se rend compte, c'est surtout les pays en développement, les pays émergents, pour lesquels le taux de croissance a été très élevé depuis 15 ans. Les pays plus développés, donc ceux où la révolution industrielle s'est manifestée depuis deux siècles, on est plus à des taux de l'ordre de 1,5 à 2 %. L'Italie, c'est 0 %. Puis tout le monde sera très malheureux de vivre en Italie, c'est évident. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, les taux s'expliquent parce que notamment, il y a un rattrapage. Dans les pays en développement, c'est sûr que quand tu commences à construire de grosses infrastructures, que tu n'avais pas d'école, tu en as une, tu n'as pas d'hôpital, tu en as un, bien, ça change beaucoup de choses. Exactement ça, oui. Moi, je pense que c'est l'explication qui va de soi, là. C'est-à-dire qu'il est normal, puis même souhaitable que les pays qui jusqu'à maintenant étaient relativement pauvres aient la chance de se rattraper. Et donc, la croissance se fait là. Il faut dire aussi qu'ils bénéficient d'investissements. Les gouvernement ou même des entreprises étrangères ont intérêt à investir dans ces pays-là parce qu'il y a des marchés en croissance. Maintenant, est-ce que tu as fait le tour de... Est-ce qu'on arrive à stagnation ou tu es encore... Peut-être, non. J'ai peut-être mentionné quand même que la science économique, même si on la fait remonter de la révolution industrielle avec Adam Smith, dont on dit souvent que c'est un peu celui qui a inventé l'économie moderne, bien, autant Adam Smith qu'un peu plus tard, Karl Marx, on dit, là, il ne peut pas avoir de croissance infinie. Tôt ou tard, on va avoir répondu aux besoins de l'humanité, et là, ça va être une économie stationnaire. Puis, il ne voyait pas ça comme un drame. Là, on va répondre aux besoins. Keynes, je mentionne souvent cette anecdote-là, parce que c'est revenu dans le... Souvent, il a cité Keynes, en 1930, disait, dans 100 ans, on va avoir... Il avait le même discours, dans le fond, il disait, dans 100 ans, donc en 2030, on aura répondu aux besoins de l'humanité. On pourra, tout le monde, tu pourras se mettre à suivre des cours de chant, parler des pièces de théâtre, puis jouer au golf, puis on va répondre à nos besoins. C'est-à-dire, on va être dans une économie stationnaire, puis pour eux, ces penseurs-là, ils trouvent ça normal. Là. C'est-à-dire, on a un rattrapage à faire, il faut nourrir tout le monde, il faut abriter tout le monde, il faut habiller tout le monde. Une fois qu'on aura fait ça... Pourquoi c'est chiné à travailler davantage? On va atteindre l'objectif. Le défi économique de l'humanité va avoir été résolu. Donc, la plupart des économistes, des penseurs d'économie, pour eux, ils ne voyaient pas une croissance infinie. Ils voyaient juste une croissance jusqu'à temps qu'on ait répondu aux besoins. Peut-être mentionner un dernier élément, par contre, parce qu'il y a quand même un économiste d'une contemporain, l'actuel, Paul Romer, qui lui dit, ouais, mais la croissance infinie, finalement, est peut-être possible de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on va introduire des nouveaux produits qui vont être plus ou moins différenciés. Autrement dit, lui, il avait un peu prévu le iPhone 19, c'est-à-dire qu'on n'invente pas un nouveau produit, mais on change la couleur, on change les fonctionnalités. C'est un peu la même affaire, mais avec des petites variantes qui font finalement que les consommateurs vont vouloir l'acheter, puis alors qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. C'est-à-dire qu'ils ont déjà un téléphone. Si le téléphone, ça peut n'importe quel autre produit, là. Mais c'est qu'autrement dit, on n'invente pas vraiment des nouveaux produits, des nouveaux services. On introduit des variantes qui permettent de rendre obsolète celui qui existait déjà, puis d'introduire une nouvelle mode. Puis bon, c'est comme ça que la conscience continue. Oui, mais ce qui nous fait verser vers la surconsommation, risque de pollution en termes de technologie de ce genre-là, en tout cas. Donc, on ne parle pas de la même croissance. Dans le fond, ce qu'il dit pour Homer, c'est que le PIB continue de croître, mais est-ce qu'on améliore de beaucoup le bien-être de l'humanité? Bien là, poser la question, c'est presque y répondre. Oui, effectivement. De toute façon, on va l'aborder aussi en parlant de stagnation. Est-ce qu'on y va avec stagnation maintenant? T'as encore des choses? Tu l'auras voulu. Je veux parler de stagnation parce que je suis pas mal certain que même juste le mot, on dit stagnation. Oui, ça me dit quelque chose, mais sans plus. Si on la définissait, la stagnation? La stagnation, justement, je revoyais une définition. Dans le fond, c'est rattaché au cycle économique. C'est rattaché à la notion de cycle économique. Puis aussi, les cycles économiques, c'est un peu lié à la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'au courant du 19e siècle, on s'est rendu compte à un moment donné que l'activité se développait. Puis d'un coup, pendant 3-4 ans, 5 ans, 8 ans, là, il y avait davantage de chômage, moins d'investissement, ça semblait aller mal. On ne mesurait pas encore le PIB à ce moment-là, mais on a commencé à introduire la notion du cycle des affaires, le business cycle, les cycles économiques. Sauf que là, on se disait, ouais, mais c'est pas grave, ça baisse, mais la tendance est toujours à la hausse, ça baisse, ça remonte plus vite, puis après ça, sauf qu'autrement dit, il y avait des vagues, mais la tendance de fond était toujours vers une croissance, vers le développement à long terme. Sauf que les cycles faisaient plus ou moins longs, puis pendant la grande crise, la crise des années 30, il y a un économiste britannique qui était, je pense, il était l'élève de Keynes, Alvin Hansen, lui a introduit la notion de stagnation séculaire. Lui, il a dit, ouais, mais si la récession dure pas mal longtemps, là, puis séculaire, ça veut dire qu'elle pourrait durer 100 ans, il dit, là, c'est une nouvelle sorte de... Finalement, la tendance est on ne peut pas toujours espérer que le cycle baissier va finir, puis on va se remettre à croître à nouveau. Peut-être qu'on va stagner pendant longtemps. Donc, c'est un peu l'arrêt de la croissance pendant une période là, qui peut être très, très longue. Bien, de toute façon, inspiré, quand tu regardes la stagnation séculaire, ça revient à ce qu'on disait en début, à savoir que de toute façon, avant, la croissance était minime, puis qu'on revient à cette normale-là. On est plus dans cette tendance normale de stagnation séculaire. Oui, mais à l'époque d'Hanson puis de la Grande Dépression, dans le fond, on était déjà un peu intoxiqué à la croissance. On trouvait ça le fun, là, quand ça coûte 3-4% par année, ça règle bien des problèmes, fait qu'on s'ennuie un peu de ça. Il y a un autre économiste, on l'a souvent mentionné, là, parce qu'il n'était pas trop l'ami de Staline. Là. Staline ne l'aimait pas bien. Kondratiev, lui, il voyait des cycles économiques à beaucoup plus long terme, des cycles d'une trentaine d'années, basés sur l'innovation technologique. C'est quand tu introduis une nouvelle technologie, comme le chemin de fer ou l'électricité, par exemple, ou la sidérurgie, bien là, pendant ça peut, ou l'automobile, ça peut introduire une vague de développement, une espèce de cycle de développement long qui peut durer 25, 30 ans, 40 ans. Fait que ça c'est un autre... C'est une hypothèse qui est l'innovation technologique qui est revenue à la mode récemment, justement par la période actuelle, parce que la notion de stagnation séculaire est revenue à la mode depuis 2008, parce qu'on s'est rendu compte que revenir de la récession puis la crise financière de 2008, ça prenait du temps. Le gouvernement avait beau mettre plus d'argent dans l'économie, les taux de croissance ne revenaient pas comme dans les belles années des 30 glorieuses. Fait que la notion de stagnation séculaire est revenue à la mode, à la fois de la notion de Hansen, de la notion de Kondratiev, parce qu'on s'est dit, c'est peut-être parce que dans le fond, il n'y a plus de grandes technologies structurante. On ne peut pas réinventer le chemin de fer deux fois, puis on n'invente pas l'électricité deux fois. On l'a déjà, là. Puis on ne voyait pas trop quelle sorte de nouvelles technologies. On disait, ouais, Internet, d'accord, mais Internet, c'est juste du transfert d'informations. C'est pas vraiment structurant. Puis surtout qu'on se rendait compte que General Motors, dans les belles années, là, c'était 800 000 emplois aux États-Unis, alors que Facebook, c'est 13 000 emplois. Facebook est capitalisation boursière en valeur à la bourse, ça vaut beaucoup plus cher que valait General Motors. Mais General Motors, c'est un effet structurant pas mal fort quand tu as 800 000 emplois. Facebook, avec 13 000 emplois, c'est pas... Tu sais, t'as beau dire, là, c'est bien le fun. C'est bon pour l'actionnariat, mais... Ben, c'est ça, tu crées pas grand-chose de concret dans l'économie. Mettons ça comme ça. Ça veut pas dire, par contre, ça améliore pas le bien-être. Là. Évidemment, Facebook, c'est un cas très controversé, cette semaine notamment. Mais peut-être que ça a amélioré le bien-être un peu que d'avoir accès à ses amis réels ou factices sur Facebook. Donc ça, c'est une autre discussion. Mais en termes de valeur commerciale, là, on n'a pas les mêmes développements qu'on avait avec des grandes nouvelles technologies comme les chemins de fer puis l'électricité. Ce qu'on lit, en fait, dans les différents commentaires, que ce soit journaliste spécialiste en économie ou autre, même économiste, c'est que dans le fond, on semble avoir une crainte de la stagnation. Ça a l'air d'être épouvantable, mais en même temps, il y a plein de gens qui relativisent. Ben, c'est-à-dire que oui. Est-ce que la science économique aujourd'hui considère que c'est terrible tant que ça, finalement? Honnêtement, oui. Ben, c'est-à-dire, oui, parce que le fait que l'économie ne croit pas, même en valeur, comme on pourrait dire, commerciale, en valeur de financière, ben oui, ça a des conséquences parce que, d'abord, il y a des conséquences psychologiques. C'est-à-dire que ça, il y a des études qui le démontrent. Le bonheur des populations est souvent rattaché à la sensation qu'on progresse, qu'on améliore notre sort. Fait que là, puis on l'a vu, c'est un débat là, politique. On sait que depuis 30 ans, depuis presque 40 ans maintenant, depuis le néolibéralisme, les salaires réels n'augmentent pas. Ben, le monde ne sera pas bien content de ça. Là. S'ils ont bon avoir un niveau de vie, le niveau de vie n'a pas vraiment baissé. Là. C'est juste qu'il n'a pas augmenté. Fait que les gens ne sont pas vraiment heureux de ça. L'autre conséquence, auquel on ne pense pas souvent, mais c'est que quand le PIB augmente, ça pourrait faire de baisser automatiquement la valeur relative des dettes. Tu sais, si tu as une dette de 100 millions, sur des exemples minimes, là, 100 millions sur un PIB d'un milliard, bien, si ta dette reste à 100 millions, puis ton PIB augmente à 2 milliards, bien là, la valeur relative de la dette vient de baisser de moitié. Exact. Donc, les gouvernements se fiaient beaucoup là-dessus. Il y a un attrait là-dessus, oui. Les gouvernements se fiaient toujours là-dessus pour baisser la valeur réelle, finalement, de leur dette. Mais là, s'il n'y a plus de croissance, tu es toujours de rembourser tes dettes. Tu n'as pas d'autre échappatoire pour rembaisser la valeur. Puis aussi, le gouvernement doit faire des choix. C'est-à-dire que si la tarte n'augmente pas, bien là, tu dis, il faut fonctionner avec ce qu'on a. Mais finalement, tu vois, c'est plus des problèmes, je dirais, presque d'ordre politique, plus qu'économique comme tel, là, les conséquences, finalement, négatives. Donc, c'est ça. C'est toujours, hein, c'est plus difficile de faire des choix. On aime mieux donner tout à tout le monde. C'est tellement plus facile. On fait une courte pause musicale, puis on revient dans quelques secondes pour poursuivre la conversation. Allons-y, Jean-Claude, maintenant, pour parler un peu de ceux qui pensent quand même qu'il y a moyen de continuer sa croissance. Ben oui, tantôt, j'ai donné un peu la version de certains économistes pessimistes, là, des gens comme Tyler Cowen puis Robert Gordon, qui ont été très souvent cités, et moi, qui m'ont quand même convaincu. Moi, j'ai été assez ébranlé par ces arguments-là. Mais il y en a, par contre, qui disent, dans le fond, on est justement en train de nouvelles technologies sont en train de se développer, comme l'intelligence artificielle, on ne voit pas encore toutes les retombées présentement. Il y a des retombées politiques, là, mais retombées économiques, on ne les voit pas encore tout à fait, mais au fil des années, ça va s'implanter, ça va augmenter la productivité, ça va créer des nouveaux besoins, des nouveaux marchés. On donne souvent l'exemple, certains donnent l'exemple de ça, ça illustre très bien les possibilités de l'intelligence artificielle, dont on parlera la semaine prochaine, d'ailleurs, en passant, disons-le en passant. Mais par exemple, la firme Morgan Stanley estime que la voiture autonome, qui relève, c'est une application, dans le fond, de l'intelligence artificielle, pourrait donner des gains annuels de productivité de 507 milliards aux États-Unis. C'est quand même énorme, là. Du fait que les gens pourraient travailler, mais c'est ça qui m'a fait sourire, 507 milliards de productivité accrue aux États-Unis par le simple fait que les gens vont pouvoir travailler à leur ordinateur pendant le trajet en automobile. C'est complètement fou, là. C'est-à-dire que plutôt que de dire ça va bien, on va se reposer, on va dire ouais, mais c'est parfait, on va pouvoir travailler encore davantage. Exactement. C'est un peu fou, mais la même foulée pour les mêmes raisons, dans le fond, des choses comme Uber, comme Airbnb, comme Google, Facebook, ça change les façons de faire, ça change les façons de s'informer, de réserver, de faire son transport. Donc, c'est des nouvelles. Ça rappelle un peu Schumpeter, qui disait la destruction créatrice, on remplace d'anciennes façons de faire par des nouvelles, puis tout ça, c'est générateur d'emplois, puis de développement, puis de croissance, finalement. Je vais lire un petit bout d'un blog que tu as toi-même écrit en novembre 2016, parce que ça résume en partie ce qu'on dit depuis tantôt, et tu écrivais « Ainsi, la difficulté des économies développées de renouer avec des taux de croissance de 2 % ou plus n'est peut-être au fond qu'une manifestation d'une loi trop souvent oubliée de la science économique, celle des rendements décroissants. » On en a parlé de temps en temps à l'émission. Cette loi stipule que, passé un certain stade, les efforts dans une activité ou un secteur donné deviennent de moins en moins productifs. Une autre réalité tout aussi importante est qu'il existe des limites absolues à la progression de certaines variables. Une fois que l'espérance de vie a progressé de 50 à 84 ans, que 70 % de la population a un diplôme post-secondaire, que le taux de participation des femmes au marché du travail est près de rejoindre celui des hommes, que la satisfaction de la population est passée de 1 à 8 sur l'échelle de 10, on voit difficilement quel autre grand bond en avant pourrait être effectué en matière de productivité ou de bien-être. Il est toujours possible d'espérer que les joueurs du CH donnent leur 110 % sur la patinoire, quoique de ce temps-là, c'est plus du 43. Mais en économie, il y a des limites physiques et humaines qui sont infranchissables. C'est ça, dans le fond, c'est que si on veut aller beaucoup, beaucoup plus loin, là, on va tomber dans les risques là, on pourrait tomber dans la surconsommation, la pollution, la dégradation de l'environnement, puis avoir des problèmes beaucoup plus grands que ce qu'on essaye d'aller chercher. Exactement. Bien, c'est un peu, c'est un autre économiste dont on entend parfois parler, là, c'est Pareto, dans le fond, c'est la loi de Pareto. Le premier 80 % de gains, relativement facile à faire, mais le dernier 20 % là, faut que tu pédales vite encore, Lynn. Puis il faut aller longtemps si tu veux le gagner. Fait que c'est un peu ça, les rendements décroissants. Mais tantôt, pour continuer sur la question que tu posais tantôt, est-ce que c'est bien grave si on a une stagnation là, plus ou moins longue? Bien, peut-être pas tant que ça, dans le fond, parce que ce que je disais au tout début, c'est que la stagnation, c'est mesuré en termes de PIB, mais le PIB, il n'y a pas juste ça dans la vie. C'est-à-dire, c'est le bien-être de la population, puis il reste que le bien-être de la population... Il a quand même augmenté beaucoup ces dernières années, ces derniers 20 ou 30 ans. Tu sais, le simple fait, par exemple, que les consommateurs, maintenant, ont accès à des services qui n'existaient pas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, l'Internet faisait juste commencer. Puis il y a bien d'autres services, comme Wikipédia, moi, qui est un service que je trouve extraordinaire, qui ne coûte absolument rien. Ouais. Ça n'existait pas. Moi, le Wikipédia ne contribue aucunement au PIB. Parce que ça coûte rien, c'est un service qui coûte rien. Ça paraît pas dans le PIB, mais je vais te dire, moi, ça augmente ma qualité de vie pas à peu près, là, d'avoir accès, plutôt qu'avoir à me déplacer à la bibliothèque pour avoir accès pour préparer l'émission Econophile, je peux faire ça à partir d'Internet. Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis il y en a beaucoup de services de ce genre-là qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans ou 50 ans et qui existent aujourd'hui, puis qui souvent existent à moindre coût. Donc, c'est une augmentation qui paraît pas dans le PIB. Donc, dans ce sens-là, la stagnation est peut-être pas si dramatique si on comprend pense des transactions commerciales par d'autres types de services. Au fond, tout ce qu'on dit là, c'est que si on change le focus, hein, qui est au lieu d'être le PIB, qui est, on sait, un indicateur imparfait, et ça, c'est admis par à peu près tout le monde, si le focus, c'est le bien-être, c'est beaucoup plus large, c'est autre chose, et ça peut inclure une croissance tout à fait modeste, et même très modeste. Bien, moi, je pense que le bien-être s'est beaucoup amélioré depuis 50 ans, disons, enfin, depuis les 30 glorieuses et même après, mais sauf que effectivement ça paraît pas dans le PIB, puis il faudrait peut-être se focusser un peu plus là-dessus, peut-être plus se sensibiliser à ça. Il y a des phénomènes comme l'espérance de vie a beaucoup augmenté ces dernières années, ces dernières décennies. L'accès à l'éducation postsecondaire a beaucoup augmenté. C'est toutes des choses, ça, qui a... Donc, finalement, même si le PIB a cru beaucoup moins rapidement depuis 30 ans, les chiffres du début le mentionnaient, là, on est plus à 4 %, on est plus au niveau de 1 à 1,5 %. Mais je pense que la qualité de vie a continué d'augmenter, mais ça ne veut pas dire, par contre, que ça a augmenté pour tout le monde. Puis qu'il existe encore des problèmes, on pourrait y revenir. On va en parler après la pause, justement. Donc, on va faire une courte pause, puis au retour, effectivement, on va parler un petit peu quand même des choses qu'on pourrait faire pour améliorer la situation, parce que si c'était parfait, on n'en parlerait même pas. C'est l'émission Éconophile qui se poursuit à CKRL 89.1 avec David Lemelin au micro, la collaboration de l'économiste Jean-Claude Cloutier, Guéry Doreur à la mise en onde. On parle de croissance et de stagnation, mais juste avant, quelques mots sur le Radioton. Vous le savez, ça s'en vient. Votre soutien, il est essentiel. Il y a don pré-Radioton qui est possible, carte de membre aussi que vous pouvez prendre ou renouveler. Donc, posez votre geste de soutien avant le vendredi 6 avril 17h et courez la chance de gagner un prix spécial. Le tirage, donc, aura lieu le 6 avril à 17h. Tous les membres actifs à cette date seront éligibles au prix membership. Pour ce faire, vous passez pendant la semaine au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30 ou service sécurisé PayPal sur ckrl.qc.ca, l'onglet « Faire un don » et l'onglet aussi « Devenir membre » dans la colonne de droite. Alors, soyez à l'écoute les 6, 7 et 8 avril et soyez généreux. Merci beaucoup de la part de tout le monde ici à CKRL. Alors, Jean-Claude, poursuivons maintenant sur croissance et stagnation pour parler des choses qu'on peut quand même faire, parce qu'on l'a dit. Bon, c'est le fun de dire que peut-être qu'il y a des besoins qui sont comblés, oui puis non. Il y a encore de l'espace quand même. Oui, oui, bien peut-être, on l'a mentionné un peu indirectement, là, je pense que la première chose à faire, c'est peut-être changer de paradigme, pour prendre un mot qui est parfois à la mode dans certaines communautés, changer de paradigme dans le sens suivant, les partis politiques, plutôt que toujours être obsédés par la croissance, peut-être être davantage obsédés par la qualité de vie de la population, puis par des problèmes. Le bien-être, finalement, puis des questions sociétales. Là, mais on dit ça, puis on rentre dans une campagne électorale que ça va être exactement le contraire. Aux États-Unis, c'est exactement le contraire. Je me demande quand est-ce qu'on va arriver là, parce qu'on n'est pas proche, on dirait. On n'est pas tout à fait proche, mais il y a quand même des mouvements comme... moi, je pense que c'est symptomatique. Il reste que... Ici, les préoccupations qu'on entend dans les médias présentement, c'est pas tellement, dans le fond, la croissance économique. C'est des questions comme les agressions sexuelles, le droit des gays et lesbiennes, les droits des autochtones, l'immigration, question d'identité. Ça n'a rien à voir avec le PIB, ça. Mmh. Ce qui préoccupe le monde, la population, c'est bien plus... C'est peut-être un indice, finalement... que le niveau de vie est peut-être satisfaisant, puisqu'on se préoccupe pas de pain et de beurre, là, on se préoccupe de questions plus de société, finalement. Donc ça, c'est peut-être un indicateur que la croissance économique n'est pas si importante que ça. Mais effectivement, il y a encore des besoins, il y a encore des pauvres quand même. Faut pas avoir levé nos lunettes roses. Là. C'est surtout ça. C'est que dans ne serait-ce qu'en parler de redistribution, il y a un travail manifeste à faire qui ne ferait pas souffrir beaucoup ceux qui sont en haut et qui auraient moyen de se soulager ceux en bas. Supposons que des partis politiques ont raison, il faut se préoccuper de croissance. Je pense que s'il y a un domaine où il y a encore des possibilités de croissance importantes, c'est de répondre aux besoins au niveau de la pauvreté, corriger les inégalités. Corriger les inégalités et la pauvreté. Et là, il y a quand même une demande à satisfaire. Ces gens-là, s'ils consomment davantage, ça va relancer l'économie, ça va faire croître davantage. Donc, je pense, et c'est via, donc, effectivement, peut-être taxer la richesse, des choses comme le revenu minimum garanti. Non. Hein? Pas taxer la richesse. Non, mais qui plus est, ça nous ramènerait aussi à ce qu'on a déjà dit à l'émission, à savoir qu'en plus, ce sont des... Si on augmente le pouvoir d'achat de ces gens-là, ça va acheter dans l'économie réelle. Hein? C'est, on parle pas d'actionnariat futur, on parle pas de placement à l'étranger. Oui, on va pas à Wall Street. On va pas à Wall Street. Là. On va l'autre bord de la rue acheter à manger ou changer quelque chose ou acheter une voiture. C'est pas Wall Street, c'est la 3e avenue. Non, pas vraiment, pas encore. Mais il y aura aussi, je pense que si le gouvernement cherche autre chose, finalement, pour relancer l'économie, je pense développer les infrastructures publiques, les services publics en général, mais notamment les infrastructures, ça, tu te trompes pas en faisant ça. C'est-à-dire, c'est de canaliser, dans le fond, l'épargne excédentaire vers des biens d'utilité publique. Parce que c'est un peu ça aussi qui préoccupe certains économistes qui craignent la stagnation. C'est qu'on dit, ouais, mais les gens, ceux qui ont de l'épargne, ceux qui ont de l'argent, ils investissent plus, ils investissent dans le financement, dans le monde financier. Il y avait ça à Wall Street. Donc, si on pouvait recanaliser ça vers des biens publics, des parcs, j'allais presque dire des autoroutes, mais je pense que ce n'est pas un bon exemple. Ouais, j'ai des tramways, des transports communs, des troisième liens, oui. Mais en fait, peu importe. Non, mais on pourrait discuter de la nature de l'infrastructure, mais je pense que si les gouvernements... développer des infrastructures publiques, des choses donc qui peuvent servir l'ensemble de la population, bien là, ça aussi, je pense, c'est une bonne façon de relancer la croissance, si c'est ça qu'on veut absolument faire. Bien, surtout qu'on le sait, que c'est ça qui est frustrant, c'est qu'il y a le refuge de l'économie financière est quand même très fort. Là. De plus en plus, on va faire du rachat d'actions, on va s'amuser sur ce territoire-là, puis en dehors du circuit plus productif. Alors que si on rapatriait ça, mais encore là, ça veut dire des gestes politiques concrets, forts, avoir le courage de prendre des décisions qui ne sont pas prises encore. En tout cas, non, je ne crois pas. C'est pas ce que je sens. Ben, en tout cas, c'est ça. Je pense qu'il y a une certaine stagnation politique aussi. Oui, ça stagne. Ça, c'est clair. Avais-tu d'autres choses à ajouter sur Sinon, je vais au moins lire un petit passage. Ceci, si les pays développés veulent absolument revenir au taux de croissance des trois décennies de l'après-guerre, la solution la plus efficace pourrait bien être de répondre aux principaux besoins qui demeurent insatisfaits. Il s'agirait notamment de donner davantage de pouvoir d'achat à ceux qui n'ont pas pleinement profité des fruits de la croissance. Pour cela, les gouvernements devront s'attaquer aux inégalités de revenus et de richesses, hein, par le biais de mesures fiscales et budgétaires. Auront-ils la sagesse et le courage de le faire? Pour l'instant, il semble plutôt d'avis que seules des baisses d'impôts et l'investissement dans les infrastructures peuvent insuffler un nouveau dynamisme à l'économie. Mais encore là, oui, c'est... On est en partie d'accord pour l'infrastructure, tu vois, mais les baisses d'impôts, je suis moins certain que ça générerait automatiquement une recrudescence là, de la croissance, même si M. Trump semble penser ça. Mais moi, peut-être, parce qu'il nous reste encore quelques minutes à parler de ces sujets-là, moi, je serais porté à dire que je suis moins sûr que j'étais il y a quelques années qu'on est dans une phase de stagnation séculaire, parce qu'effectivement, il y a toujours moyen de relancer un peu une croissance du PIB, mais moi, c'est presque sûr qu'on ne reviendra pas aux belles années de 3 ou 4 % de croissance du PIB. Je pense qu'il faut s'habituer à ce que les économistes appellent une nouvelle normalité, des taux de croissance plus de l'ordre de 1, 1,5 %, mais c'est déjà beaucoup mieux que l'ensemble quasiment de l'histoire de l'humanité. Ça, on est, au moins, il y a encore de la croissance pour ceux pour qui c'est important. Puis je pense aussi qu'il faut se consoler un petit peu avec des taux de croissance à moins comme cela, en se disant, c'est peut-être le bon équilibre, finalement, entre la peste et le choléra, c'est-à-dire entre une croissance non durable. Là. M. Meade en a bien parlé il y a deux semaines, c'est-à-dire c'est pas possible de passer quoi, pendant 3 ou 4 % jusqu'à la fin des siècles, c'est pas possible, on va frapper un mur. Mais on a même avancé la décroissance ben, aussi a été peut-être de l'hérésie complète il y a 50 ans. Aujourd'hui, je suis pas sûr. Bien, ça, c'est le choléra. C'est-à-dire, je viens de parler de la peste, qui la croissance non durable, mais la décroissance... Ça l'est peut-être pas. Ben, il y a des... Présentement, on n'a pas parlé ici parce que c'est fréquent un peu. Là. Il y a les collapses... Non, je ne sais pas trop comment... C'est les tenants du collapse, en tout cas, en anglicisme, là, pour dire que... En fait, l'effondrement. C'est quoi, l'effondrement? Ouais. L'effondrement français. Donc, moi, ce que je pense, c'est que, dans le fond, ce qu'on vit présentement... je pense qu'on vit... C'est le plus bel âge de l'humanité jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, on a quand même un très bon niveau de vie. Puis là, c'est peut-être correct dans le fond parce que ça nous permet de naviguer en deux extrêmes, c'est-à-dire une croissance là, qui sera pas durable, même à moyen terme, on parle même pas de long terme, puis un effondrement finalement qui ferait qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, puis on retourne un peu au Moyen-Âge. Hein. Donc, consolons-nous, je pense que ça va quand même pas si mal. Et lâchons le PIB, c'est peut-être ça. Merci Jean-Claude, on va faire une petite pause musicale. Au retour, c'est Isabelle Vaillancourt dans un instant. Isabelle, bonjour. Bonjour, David. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Écoute, sujet vraiment... je trouve ça très intéressant. La valeur monétaire même d'un arbre. On va encore plus loin. Oh, des vrais chiffres. Ah oui, donc, des vrais chiffres. Un arbre, ça vaut combien? Combien on fait de planches avec ça? Vous savez, comme j'aime vous parler des arbres et de verdure. Et j'ai rencontré un économiste de l'Université Laval dans le cadre de l'émission Ça marche doc, que j'ai fait une entrevue avec lui il y a quelques semaines. Et c'est François Desrosiers qui a fait une étude il y a quelques années. Ça a été publié par le Centre de recherche en aménagement et en développement, le CRAD, là, pour ceux qui connaissent. En fait, M. Desrosiers et son équipe se sont posés poser vraiment la question combien ça vaut, un arbre, un aménagement, un patio et tout ça. Et ils ont fait une vaste enquête. Je pense qu'ils ont interrogé plusieurs personnes. Ils ont étudié là, 760 transactions de propriété dans la région de Québec. Ça a été vraiment très, très, très complexe. Et ça a même été repris dans le journal The Economist parce qu'il y avait un... The Economist, Jean-Claude. Oh, je suis heureux d'entendre ça. Là, c'est sérieux. Là, c'est sérieux. C'est pour ça que je me permets de le dire. Il y avait fait un numéro à l'époque sur l'importance du jardinage et de l'aménagement paysager dans les pays développés. Et il avait cité l'étude de M. Desrosiers. En fait, M. Desrosiers avait dégagé 31 critères d'aménagement paysager là, pour vraiment évaluer la valeur de la chose. On parle de densité de la nature, la couverture végétale, les aménagements floraux, la présence de haies, bordures, patios aménagés, tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'entre autres, dans les conclusions, il ressortait clairement qu'en analysant une propriété dont le couvert végétal était plus abondant, par exemple, que les voisins dans le secteur. Évidemment, c'était toujours dans le voisinage immédiat. On voyait la valeur marchande de la maison augmenter d'environ 7 % ceux qui avaient plus d'arbres. Si on parle d'une haie, par exemple, c'était 7 % aussi. Une bordure fleurie, 4 % un patio aménagé, 12 % Et ce qui est intéressant, c'est que cette étude-là corroborait, en fait, d'autres études américaines qui avaient déjà été faites. On parlait, là, de ça pouvait aller, dans certains cas, de 5 à 20 Donc, on est vraiment dans la moyenne, là, avec M. Desrosiers. On est vraiment dans la moyenne de 7 %. Ça veut dire que la valeur marchande d'une propriété qui est aménagée, qui devient un lieu plus intéressant, plus agréable à vivre, vaut plus cher. Absolument. Au niveau des arbres, ça c'est sûr que c'est sur votre terrain, mais également, ce qui a été, il y avait d'autres études américaines qui se sont penchées sur la question, c'est les parcs. C'est-à-dire que si votre propriété est près d'un parc, est-ce que la valeur de votre maison est plus élevée? Et la réponse est oui. En fait, on parle de même, plus vous êtes situé près d'un espace vert, on parle de 8 à 20 de comparé à des maisons comparables qui sont peut-être situées à un kilomètre d'un parc, d'un espace vert. Ça, c'est la valeur de la qualité de vie. Oui. Ben, en fait, tu touches vraiment à un point. C'est un élément, en fait, l'attractivité pour les gens qui veulent, par exemple, s'établir à Québec, qui viennent de l'extérieur, c'est un élément qui est très important. On l'observe dans des grandes villes aussi. Les gens souhaitent s'établir à un endroit où il y a de la verdure, un endroit où il y a des parcs, à tel point même là, qu'il y a une étude qui avait été faite par les agents immobiliers aux États-Unis. Et ce que ça nous disait, en fait, c'est que les gens étaient prêts à payer 10 % de plus pour une maison qui était située près d'un parc. Donc, c'est vraiment pas négligeable, particulièrement au prix où les maisons sont aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est intéressant pour les villes aussi. À Portland, en Oregon, on évaluait les arbres, la présence d'arbres sur la rue, par exemple, et ça augmente la valeur totale des maisons de 1,35 milliard, évidemment, c'est US, de revenus de taxes foncières. Les revenus de taxes foncières, on parle de 15,3 millions de dollars. Donc, c'est pas juste les maisons et les bâtisses qui apportent une valeur à une ville. Et là, en voulez-vous encore? Mais écoute, c'est impressionnant, mais continue, parce que je sais qu'est-ce qui s'en vient aussi. C'est pertinent, c'est intéressant. C'est ça, c'est Montréal. C'est une étude qui a été faite. Des chercheurs qui ont réalisé là, une étude de cas. C'est 4 villes canadiennes. Montréal en faisait partie. Et en fait, on a démontré qu'en augmentant le taux de végétalisation de 30 % de l'espace, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire planter environ 3 arbres par bâtiment. Ce que ça donnait, c'est que ça permettait de dégager des économies globales en énergie pour la ville de Montréal. On parle de 35 % de moins à cause qu'on prenait moins la climatisation, en fait, au niveau de la climatisation. Et c'est la même chose pour le chauffage. On parle de 10 à 20 %. Bon, évidemment, on a moins de vent si on met des arbres et tout ça. Puis c'est pas négligeable. Dans un contexte de nordicité, c'est vraiment pas négligeable pour les villes. Mais non, effectivement. Puis même, moi, le chiffre m'étonnait un peu parce que oui, on peut comprendre que tu plantes quelques arbres, ça te crée un îlot qui te protège de la chaleur, certes, mais à ce point-là, non, c'est vraiment bon parce que c'est un effet donc sur la demeure en tant que telle. Oui, sur la demeure. C'est sûr qu'il y a un aménagement à faire, c'est-à-dire qu'il faut le mettre assez près des résidences, mais il y a plein de possibilités là, pour le faire. Puis j'ai trouvé un outil, je suis très fière de moi. ça s'appelle, c'est sur le site www.anycalculator.com et c'est le National Tree Benefit Calculator. En fait, comment ça fonctionne? C'est vous rentrez sur votre... Tiens, je peux peut-être te le montrer. Oui. Même vous rentrez sur le site, l'essence de votre arbre et le diamètre et ça vous donne... la valeur, en fait, ou les économies, les bénéfices que ce que votre arbre vous rapporte sur votre terrain. Moi, par exemple, j'ai un arbre de Sibérie, j'ai un chêne, j'ai rentré le chêne. Et, bien, évidemment, c'est amusant, c'est approximatif. Là, on s'entend que c'est plus pour s'amuser. Moi, il me rapporte 463 $ par année, mon chêne. Les eaux pluviales, par exemple, c'est 232 $. Ça permet d'intercepter 25 000 gallons d'eau par année. Après ça, on a la valeur, l'électricité, c'est 30 $. Ça augmente la valeur de ma propriété de 162 $. Vous avez les capteurs, les polluants, le CO2 et tout ça. Fait que si ça vous intéresse... Bien, je vais le rendre disponible. Oui, je vais le rendre disponible sur le Facebook d'Econophile et puis probablement sur le blog aussi. Là, vous pourrez le trouver, là, le Any Calculator, c'est ça dont tu parles, là, c'est celui-là? C'est ça. OK. Fait comme j'ai découvert aujourd'hui que j'avais presque 1 000 $, je vais aller dépenser mon 1 000 $. Ben oui, va surconsommer. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça fait le tour pour ça? Oui. Là, oui. Ça marche, Doc? Oui. Puis si ça vous tente, on organise quelque chose le 14 avril prochain au monastère des Augustines. C'est la journée Une ville pensée pour ma santé. Ça va débuter le matin avec, bien sûr, une marche dans les rues du Vieux-Québec. Et, bon, si les gens qui souhaitent dîner là-bas, ça va être possible de le faire. Et en après-midi, il va y avoir toutes sortes de panélistes. On a François Reeves qui est cardiologue. On a aussi différents médecins qui ont eu des présences à sa marche d'oc. Je pense entre autres au pédopsychiatre, le docteur Desmarais, mais aussi des urbanistes, Étienne Grandmont, d'Accès Transport, Christian Savard de Vivre en Ville. Et on va discuter de l'aménagement des villes, mais vraiment en fonction de la santé, comment l'aménagement de nos villes permet d'améliorer notre santé. C'est le 14 avril. Les gens qui s'intéressent, vous pouvez consulter notre page Facebook et on va annoncer une grande nouvelle parce qu'on a un concours qui s'en vient, sa marche d'oc. OK, quand même. Bon, c'est bien. Mais puis ça marche aussi sur le plan de la popularité, non? Il y a du monde. Oui, de plus en plus. Maintenant, on en fait sur la rive sud. On va aller prochainement à Montmagny. Écoutez, sur la rive sud, il faisait assez froid la dernière fois. Puis je pense qu'on était presque 100 personnes. Là. Donc, les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de se sentir... Il y a vraiment un esprit de communauté qui est nouveau à Saint-Marjoc, là, qui tend à se développer. Si on trouve ça bien, bien, bien intéressant. On a plein de projets. Mais je vois aussi une espèce de réappropriation de la ville, hein, de son territoire, de son milieu de vie. C'est ça qui se passe aussi. Là. Même le maire comprend ça. Écoute, on part-tu là-dessus? Content. Mais écoute, je suis obligé de te dire que c'est bien. Je suis obligé de te dire que c'est positif, c'est extraordinaire. Je prends le parti du maire contre Québec 21, c'est incroyable. Écoute, je pensais jamais que ça arriverait. Vous n'avez pas discuté du tramway, par exemple? Du métro. Non, écoute, métro, l'épicerie peut-être, mais le métro, ça va être correct. Merci beaucoup, Isabelle. On va faire une petite pause musicale pour le retour. Ça va être l'actualité dans un instant. Merci. Un peu d'actualité, Jean-Claude, on en a parlé rapidement tantôt, Facebook, qui a fait parler cette semaine. Les temps sont durs pour Facebook, sur le plan boursier, sur le plan de l'image, des relations publiques, c'est très compliqué. Là, il y a des appels à « désertons Facebook ». Oui, ben, je pense que l'impact cette semaine était plus d'ordre politique, là, parce que ça posait de graves questions sur la vie privée. En fait, l'utilisation des données personnelles à des fins politiques. Mais moi, parce que c'est une émission qui s'appelle l'Econophile, moi, je préfère parler quand même, tu as glissé un mot tantôt, l'impact boursier qui a été presque instantané. Le titre de Facebook a passé de 185 $ à 165 $ en l'espace de 48 heures, puis il restait à peu près, il était encore à ce niveau-là hier. Il n'a pas repris hier, là, ce qu'il avait perdu au début de la semaine. Donc, a-t-il dégringolé de son... C'est ça que j'allais dire. La semaine passée, on disait que je pense que c'était le quatrième ou cinquième plus fortuné au monde. Là. Fait que lui, ça a fait une baisse de la valeur boursière d'à peu près 12%. Fait que lui, il a dû perdre facilement 7-8 milliards cette semaine. Mauvaise semaine pour lui. Vous comprenez, là, c'est quand même quelque chose. Hein? Donc, c'est pas son salaire. Hein? On a parlé un peu la semaine passée. Puis tu regardes l'ensemble de la capitalisation boursière. J'ai mentionné tantôt que Facebook, il y a plus de valeur en bourse que General Motors en avait. C'est quand même incroyable. alors que ce n'est pas un produit aussi tangible que des automobiles. La capitalisation boursière, la valeur des titres, des actions en bourse, c'était 500 milliards de dollars américains le 14 mars dernier. Ça veut dire que tous les actionnaires, il n'y a pas juste Zuckerberg, ont perdu à peu près 60 milliards cette semaine. C'est quelque chose. Une mauvaise... Mais ça montre bien quand même la différence entre la richesse et les revenus. Ça ne change rien des dépenses de tout le monde, ça. C'est une perte un peu virtuelle. Ouais. C'est-à-dire, la valeur des titres que tu pourrais vendre, tu vas les vendre moins cher, mais tu ne sais pas vendre encore. C'est une perte de potentiel, c'est ça. Mais quand même, ça pose de beaux sujets de discussion dont on parlera la semaine prochaine, parce que ces données-là dont ils ont disposé, vous comprenez que dans le fond, ce qu'on a compris, là, c'est qu'il y avait un portrait d'électeur parfait. Là. C'est un bel outil à vendre à qui était preneur. Là. Parce que vous avez toutes les données, vous avez les habitudes, la consommation, les préférences. Quand on fait les petits sondages cute, qu'on envoie ça sur Facebook, c'est de la matière. Bon, on en parlera la semaine prochaine, mais il y a des économistes qui pensent que maintenant, les données, c'est devenu la principale ressource. C'est au même titre que c'était le fer, le minerai de fer ou le pétrole ou les sols arabes il y a à peine quelques années. Oui. Maintenant, la donnée de base en économie, c'est les données, littéralement. Donc, on en discutera plus à fond la semaine prochaine. Exactement. Autre, est-ce qu'on a fait le tour tout de suite? Je vais avec Trump? Oui. Oh, tu sais comment j'aime ça, parler de Donald Trump, de toute façon. Alors, je vous lis juste l'introduction de l'article qui est paru un peu plus tôt cette semaine. Trump déclenche son offensive contre la Chine, qui réplique, d'ailleurs. Donald Trump a déclenché jeudi son offensive commerciale maintes fois annoncée contre la Chine, qui s'apparente toutefois davantage à un avertissement qu'à des mesures immédiates pour répondre aux pratiques déloyales, dit-il, du géant asiatique. La Chine a répliqué en haussant ses taxes sur certaines importations américaines. Et ça, on va en parler parce que c'est là ils vont y goûter. Le président américain a signé un mémorandum ciblant l'agression économique de la Chine et évoqué des mesures punitives contre des importations chinoises d'un montant pouvant atteindre 60 milliards. Je lis parce que c'est la suite qui est amusante pour mettre un terme à ce qu'il affirme être la concurrence déloyale. Et plus tôt, ses conseillers économiques avaient parlé, eux, de quelques 50 milliards. Donc, on n'est même pas des mêmes chiffres. En quoi ça peut être terrible, Jean-Claude, parce que c'est quand même pas rien. Oui, bien, c'est parce qu'effectivement, c'est le commerce international qui risque de baisser pas mal. En fait, c'est la mondialisation. La mondialisation, c'est beaucoup des échanges de biens et de services entre pays et d'investissements. Donc là, on commence à monter des murs là, entre les deux principaux partenaires commerciaux dans le monde. Là, ça commence à être sérieux. Mais moi, ce qui me frapper un peu plus là-dessus aussi, c'est que, dans le fond, les Américains sont un peu victimes de la prépondérance du dollar américain. Parce que tout ça s'explique par le fait que c'est l'ensemble des autres pays qui financent les Américains. On achète des bons du Trésor américain parce que les Chinois, notamment, achètent des titres américains parce que c'est une valeur refuge. Ça fait monter artificiellement la valeur du dollar américain. Ça permet aux Américains de vivre au-dessus de leurs moyens. Ça fait aussi en sorte que le taux de change dollar américain est trop élevé. Leurs produits sont moins compétitifs. Ceux des autres pays sont compétitifs sur le marché américain. Donc, ils sont un peu victimes. Trump a bien à comprendre ça, sont un peu victimes parce que ça va trop bien pour l'économie américaine parce qu'on livre tout le monde les finances, d'une part. D'autre part, moi, ce qui me fascine depuis 15-20 ans, c'est que on est victime de l'entrée de la Chine dans l'OMC. Tout le monde trouve ça bien sympathique d'entrer de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2000 parce qu'évidemment, pour les grandes compagnies, c'était un nouveau marché qui s'ouvrait. Ouais, sauf que là, on a permis à la Chine, par exemple, de progresser, puis maintenant, ils jouent au même niveau. La compétition est très, très forte de la part de la Chine maintenant. Je blâme aussi les entreprises. Là, présentement, Trump, son argument, ça base beaucoup sur le fait qu'il y a du piratage industriel. C'est-à-dire que les firmes américaines, les firmes chinoises, et le gouvernement chinois forcent les firmes occidentales, dont Bombardier, entre autres, à laisser aller leur technologie, en fait, leur connaissance, leur brevet, finalement, au profit des entreprises chinoises. Oui, mais les entreprises ne sont pas obligées, là. Ces entreprises ont accepté de vendre leurs brevets, de donner leurs brevets aux entreprises chinoises parce qu'ils veulent avoir accès au marché de 1,3 milliard, 300 millions. Bien, il ne faut pas te plaindre aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est le compromis. C'est le choix que tu as fait. Tu as fait un choix de vendre ta technologie, puis maintenant, tu te plains parce que les Chinois en profitent puis viennent te concurrencer. C'est ton propre marché. Mais c'est exactement la description de ce que dit tout le temps Donald Trump par rapport au fait que c'est déloyal. Pour lui, c'est déloyal parce qu'il n'y a pas que l'avantage, il y a aussi l'inconvénient. Ça vient avec. Le paradoxe, c'est que Donald Trump a même menacé la Chine de les poursuivre devant l'OMC. C'est le même bonhomme qui, depuis un an, reboude l'OMC puis refuse. Puis quand le Canada le menace de le menacer devant l'OMC, ça, c'est pas grave. Ça. L'OMC, c'est pas sérieux. Exact. Merci, Jean-Claude. Maintenant, la question de la semaine pour conclure. Quel pays le plus où l'entrepreneuriat est le plus développé? Ben moi, je t'avoue que j'ai été un peu surpris. Là, c'est pour ça que je vais apporter cette question-là. C'est le Sénégal. Le Sénégal, hein? Avec... le critère est le suivant. C'est le pourcentage de la population de 18 à 64 ans. Donc, les forces vives, dont je ne fais plus partie. Qui... ben, t'es le pourcentage des 18 à 64 ans qui est un nouveau un nouvel entrepreneur ou un propriétaire d'une nouvelle compagnie qui vient de lancer. En fait, presque tous les pays où ce taux-là est élevé, au-dessus de 30% là, de la population, c'est tous des pays d'Afrique ou des pays en voie de développement. Puis les pays où l'entrepreneurship, l'entrepreneuriat est le moins développé, c'est des pays développés. Le Japon est à 4%. 4% versus 38% au Sénégal. Parce qu'il faut se prendre en main, probablement. Ben, c'est parce que la nécessité est mère de l'invention. Ben oui, puis ça, Schumpeter, avec ça, il y a 100 ans, Schumpeter avait dit... Le drame, là, c'est quand ça va trop bien, quand tu deviens trop riche, tu n'es pas entreprenant parce que tu dis pourquoi je me forcerais. Ouais. Ça va bien. Puis tu as un héritage. Puis tu dis, bon, mon père a développé une compagnie ou ma mère, mais moi, je vais vivre de mes rentes. Puis ça finit là. Fait que la nécessité est mère de l'invention. C'est-à-dire, quand tu n'es pas dans le gros trouble, là, finalement, tu dis, bon, donc pourquoi me forcer? Hey, l'Allemagne, c'est 5%, le Sénégal, 38%. Une grosse différence. Merci beaucoup, Jean-Claude. Alors voilà ce qui termine notre émission pour cette semaine. Merci à Jean-Claude Cloutier pour la collaboration. Merci Jean-Claude. Merci Isabelle pour la chronique. Merci à Hérite d'Horreur pour la mise en onde. La semaine prochaine, donc, on l'a dit, l'intelligence artificielle. Bon, il y a l'intelligence factice aussi, mais ça, c'est un autre sujet. Bref, manquez pas ça. Bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à écouter en balado. Visitez econophile.net. Merci et à samedi prochain.